بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on étudie aujourd'hui le dernier chapitre de Kitab al-Tahara de Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. باب الحيض، الشابيتخ دي منسترو. والحيض هو دم طبيعة وجب الله يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حالة صحة المرأة من غير سبب ولادة. La définition tout simplement de menstru, c'est ce que c'est. Plusieurs définitions, je vous en ai lu une. C'est un sang naturel qui sort de l'utérus de la femme à des temps connus, lorsqu'elle est, entre guillemets, en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose, on va voir, qui s'appelle l'istihada, le métrorragie, qui sont un écoulement constant. Donc ça, c'est lorsqu'elle est en bonne santé et qu'elle n'est pas... Et qu'il n'y a pas de, ce n'est pas un sang qui est causé par l'enfantement. Car le sang causé par l'enfantement, lui, s'appelle an-nifas. An-nifas. On va le voir à la fin. Donc ça, c'est une définition qu'on trouve, la définition qu'on a donnée, qu'on trouve dans un livre simplifié. On va lire beaucoup pendant ce dars, inshallah. Pourquoi? Parce que bon. Vu que je suis devant une assemblée exclusivement masculine, vous avez comment faire, mais que les audios peuvent être écoutés par des sœurs, on va détailler, sans trop détailler, les règles des menstrues, afin que ça reste simple, inshallah. Et le livre, Al-Fiqh al-Muyassar, Fidal al-Kitab wa Sunna, c'est un livre qui est très simple et simplifié. On continue. Donc, parmi les définitions de l'haït, on trouve aussi, dans d'autres livres, comme Al-Mubdi' Sharh Al-Muqni' Ibn Muflih dit, wa huwa damu tabi'a wajibillah, c'est pareil, khilqatan katabahu Allah ta'ala ala banati Adam, turkhihi ar-rahim idha balaghat fi awqatin ma'luma. Donc cette définition elle est plus complète. Il dit que c'est un sang naturel qu'Allah a prescrit aux filles de Adam. Il est expulsé, ou il est, oui, par l'utérus. Il est expulsé par l'utérus, ce sang, lorsque la femme atteint la puberté. Je résume, il dit plus loin, bal khalaqahu Allah li hikmatin wa li khalaqahu Allah li hikmati ghidha'i al-walad wa tarbiyatihi. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. Allah il a créé ce sang en cas de où la femme est enceinte. Ce sang il vient nourrir l'enfant, il vient nourrir le fœtus et l'enfant. C'est la sagesse de ce sang là. Et lorsque la femme donc n'est pas enceinte, le sang est expulsé du corps. C'est pour cela que beaucoup de ulama ont dit la femme enceinte n'a pas de menstru. On va voir que c'est pas tout à fait exact. Ibn Qudama rahimahullah, il commence Umdat al-Fiqh en disant باب الحيض ويمنع عشرة أشياء ويمنع الحيض Ashrata Ashia. Et les menstrues rendent interdit 10 choses. 10 choses. On va les citer, Inch'Allah. À chacune de ces 10 choses, il y a un dalil. La première, fi'al as-salah wa wujubiha. Le premier, le fait que la femme soit en état de menstru, ça interdit la salat. Elle n'a pas le droit de prier. Et la salat n'est pas obligatoire. y a plusieurs preuves en cela. La première preuve, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةِ » متفقون عليه, hadith, il est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Lorsque les menstrues viennent, délaisse la salah. » Délaisse la salah. Il a dit ça à Fatimata, Fatimatu bint Abi Hubeish. Al hadith. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه. Et dans un hadith de Bukhari ou Muslim, apporté par Aïcha, elle a dit, radiallahu anha, nous avions nos menstrues à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous, on nous ordonnait de rattraper le jeûne de Ramadan, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la salat. Le sunnah, les gens de la sunnah disent que on aura, la femme qui a ses menstrues délaisse la salat et ne la rattrape pas. En aucun cas. Si elle prie, cela est haram. Si elle prie, cela est haram. Si elle rattrape, cela est connu de la secte des Khawarij. Les Khawarij, Al-Haruriya, A'adhanallahu min sharrihim, ils ordonnaient à leur femme de rattraper la salat qu'elles avaient délaissée pendant le menstru. Le deuxième, le fait de jeûner. La femme qui a ses menstrues ne jeûne pas. Mais par contre, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha précédent, elle rattrape le jeûne. Elle doit rattraper le jeûne qu'elle n'a pas jeûné pendant ses menstrues. Le troisième, ziyat. At-tawaf. At-tawaf. On s'est rapporté de Aïcha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: If'ali ma yaf'alu al-hajj غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث متفق عليه. البخاري ومسلم يغابورت que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a eu ses menstrues pendant le hajj, elle lui a dit fais tout ce que font les pèlerins, c'est la personne qui fait le hajj, sauf que tu ne fais pas le tawaf, tu ne fais pas le tawaf jusqu'à ce que tu te purifies. Lorsque le sang s'arrête, on va le voir à quelle face elle reçoit. Donc le tawaf est interdit pour la femme qui a ses menstrues. C'est la troisième chose interdite. La quatrième chose, qira'atul Qur'an, la lecture du Qur'an. Ici, je cite la parole d'Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, sur cette question-là. Ils se sont basés sur un hadith. On parle bien de la lecture ici. Ils sont basés sur un hadith rapporté par Abu Daoud. La taqra'u al-ha'id wa al-junub shay'an min al-Qur'an. La femme qui a ses menstrues et la personne qui est en état de janaba ne doivent pas lire le Qur'an. Ils sont basés sur ce hadith là. Le problème, c'est que ce hadith, il est daïf. C'est un hadith daïf. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud. C'est le numéro 232. Et par At-Tirmidhi, numéro 131, Ibn Taymiyyah, il a dit, rahimahullah, فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْحَائِدِ الْقُرْآنَ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرَ الْحَدِيثَ الْمَرْوِيِّ عَنِ إِسْمَعِيلِ بْنُ عَيَّاشِ عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وهو في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 640. Donc ce hadith il est ضعيف. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit le fait d'interdire à la femme qui a un état de menstrue de lire le Coran n'est pas établi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est dans le hadith rapporté par Ismaïl ibn Ayyash, selon Moussa ibn Uqba, selon Nafi' selon ibn Umar, c'est le hadith que je viens de vous citer. Et il dit ensuite Ibn Taymiyyah, « Wa huwa hadithun da'if bittifaqi ahli al-ma'rifati bil-hadith ». C'est un hadith faible à l'unanimité des gens qui connaissent le hadith. Donc c'est un hadith faible. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas établir avec une preuve que la femme qui a les menstrues ne peut pas lire le Coran. Lire le Coran, ça signifie réciter le Coran. Ça ne veut pas dire toucher le mushaf. On a vu que la personne qui n'a pas le wudu déjà, il n'a pas le droit de, il n'a pas le droit de toucher le mushaf. Hein? On l'a vu dans les doros du naqd de l'wudu. Les annulations de l'wudu. De même, la femme qui a ses menstrues rentre dans le même jugement. La femme qui a les menstrues, elle est comme la personne qui n'a pas le wudu. Ou pire encore même. Donc elle ne touche pas le mushaf. Par contre, elle peut lire le Coran. C'est-à-dire qu'elle tourne les pages du mushaf avec un stylo, avec un bâton, comme on dit. Al-ulama. En ce qui concerne le junub, on en a déjà parlé, mais je le répète ici. En ce qui concerne le junub, la personne qui est en état de... Comment ça s'appelle ? Qui est en état de d'impureté majeure, on va dire, de janaba, celui-là, il ne lit pas le Coran. Il ne lit pas le Coran. Il y a un hadith, et il y a un hadith sur lequel ils sont basés, et qui a été rendu da'if par certains ulama. لم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة خرج أبو داود. Sur le hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam rien ne l'empêchait de lire le Coran si ce n'est al-janaba, l'impureté majeure. Ce hadith il a été rendu da'if par certains ulama parmi les contemporains comme Dairo al-Ghalil numéro 485, mais c'est rapporté des salafs. L'interdiction de lire le Coran pour la personne qui est en état de janaba est rapportée de salaf et entre autres de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans Musannaf ibn Abi Shayba. Omar قال لا يقرأ الجنوب القرآن. La personne qui est en état de janaba ne lit pas le Coran. Omar il a dit cela et c'est rapporté aussi de Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est rapporté aussi par Ibn al-Shayba. Et certains ont rapporté l'ijma', comme c'est rapporté de Ibn Taymiyyah, qui l'aurait dit, ou qui l'a dit, « Ajma' al-a'imma ala tahrim qira'at al-Qur'an il-junub »« Tawdih al-ahkam »« Mujalad al-awwal »« Sufat 84 ou 200 » Il est rapporté que Ibn Taymiyyah a dit « Les imams sont unanimes sur l'interdiction de lire le Qur'an pour la personne qui est en état de janaba. » En état de janaba. C'est dans Tawdih al-ahkam, l'explication de Bulugh al-Maram, le volume 1, la page 284. On revient au sujet de base, je le dis pour rester. Donc, ils ont dit que la femme qui allait menstruer ne pouvait pas lire le Coran, mais comme on a dit, il n'y a pas de preuve. Donc on revient à la base et on dit qu'elle a le droit de lire le Coran. Khamisan, la cinquième chose, massul mushaf. Massul mushaf. Le fait de toucher le Coran. Le fait de toucher le Coran. On l'a vu, mais on répète cette question-là, comme quoi il est interdit de toucher le Coran pour la personne qui n'a pas al-wudu. Que dire alors de la femme qui n'a pas, qui est en état de menstrue. Et ils se sont basés sur le ayah, sur le verset, la yamassuhu illa al-mutahharun. Ne le touche que les purifiés. Surat al-Waqa'a, le verset 79. Ceci est rapporté, comme on l'a cité, de Salman al-Farisi et de Abdullah ibn Umar, Amir al-Salaf. Ibn Taymiyyah, il a dit, rahimahullah, وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٍ. On ne connaît pas de compagnon qui soit opposé à cet avis-là. C'est-à-dire au fait qu'il est interdit de lire le Coran pour la personne qui n'a pas le wudu. Dans le volume 21, la page 266, de Majmou' al-Fatawa. Sixièmement, le fait de rester dans la mosquée, le fait de rester dans la mosquée. Ce jugement de même, il est basé sur un hadith d'Aïf. Moi, je vous cite ce que dit Ibn Qudama dans son livre. Et après, en fonction de l'authenticité ou non des hadiths, on affirme on affirme ce jugement, on ne l'affirme pas. Ils sont basés sur le hadith rapporté par Abu Daoud. La uhillu al-masjida li ha'idin. Je ne permets pas la mosquée à une femme qui a ses menstrues. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, j'ai dit, comment ça s'appelle, le numéro 232. Et pour celui qui veut voir, enfin, le fait que les ulémas qui l'ont rendu faible, c'est un hadith faible, c'est dans l'Autar, au volume 1, la page 248. On va s'étendre sur ce point-là. Il est d'arif. Il a été rendu d'arif aussi, dans l'Irwa, Irwa al-Ghali. Numéro 124. Septièmement, al-watt fil farj. Le fait d'avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire littéralement la pénétration. C'est interdit. Cela à cause du hadith. Il y a des versets, des hadiths. Allah, il a dit, subhanah, dans Surah Al-Baqarah, le verset 222. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَطْهُرْنَ. Littéralement, ce qui signifie éloignez-vous des femmes pendant les menstrues, on va voir ce que ça veut dire. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى تَطْهُرْنَ. Ne les approchez pas, ici n'ayez pas de rapport avec elles, jusqu'à ce qu'elles se purifient. وَحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Le prophète صلى الله عليه وسلم, on lui a rapporté dans Sahih Muslim, numéro 302, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites ce que vous voulez, c'est-à-dire avec la femme qui a ses menstrues, sauf un nikah, sauf la pénétration. Le nikah, ça a le sens de mariage, ça a le sens de pénétration, rapport sexuel. Huitièmement, presque fini, huitièmement, ce qui interdit les menstrues, sunnatut talaq. Le divorce. Il est interdit de divorcer pendant que la femme, de divorcer une femme pendant qu'elle a ses règles. Comme il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, un ibn Umar, lamma talaqa imra'atahu wa hiya ha'id, amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-raj'ati hatta tathur. Thumma in sha'a talaq, wa in sha'a amsak. Ce qu'il a rapporté, qu'Ibn Omar, radiallahu anhuma, il a divorcé sa femme pendant qu'elle était en état de menstrue. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de la reprendre, d'attendre que les menstrues prennent fin, et ensuite, il lui a dit, soit tu la redivorces, soit tu la, ne la divorce pas, soit tu la gardes, auprès de toi. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et le neuvième point, al-i'tidad bil ashhur. L'i'tidad bil ashhur, c'est le fait de, une fois qu'elle a ses menstrues, son délai de viduité en cas de divorce, ce n'est plus en mois, c'est en menstrues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une femme n'a pas de menstrues du tout, ou est trop jeune pour avoir des menstrues, et qu'elle est mariée, et que son mari la divorce, d'accord? Sa idda, son délai de viduité, j'explique mieux ce point là le fait que la femme ait ses menstrues ou pas, c'est lié aux règles de l'idda, de délai de viduité. Il y a trois cas. Lorsque la femme est menstruée, réglée, et que son mari la divorce, il faut qu'elle attende trois menstrues. Si la femme n'a plus de menstrues, comme par exemple elle est trop vieille, ou qu'elle n'a pas encore de menstrues, C'est-à-dire qu'elle est trop jeune. Celle-là, elle attend, après avoir été divorcée, 3 mois. Tout ça, c'est dans Sourate At-Talaq. Et le troisième cas, au niveau de l'Iddah, on le cite juste l'Il-Fa'ida, c'est Al-Hamil, la femme enceinte, qui est divorcée pendant sa grossesse. Celle-là, sa Iddah, elle est jusqu'à ce qu'elle accouche. Ensuite, il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, wa yujibu. Les menstrues rendent obligatoires trois choses. On va voir que yujibu, c'est-à-dire rendre obligatoire, c'est pas vraiment yujibu, c'est elles impliquent, on va dire, les menstrues impliquent trois choses. Pardon, avant de faire ça, je vais vous citer une Bab al-Fa'ida, comme quoi j'ai cité les dalils à chaque fois, et sur des points, il y a ijma', comme l'a cité Ibn Hazm, juste, c'est juste pour vous citer l'ijma'. On l'a dit dans le plan, dans l'introduction à l'étude du fiqh, avant qu'on enseigne, comme quoi on faisait très attention à citer l'ijma'at à chaque fois. C'est important, c'est une base dans notre charia. Les contemporains, beaucoup de contemporains, pas tous, ne prêtent aucune importance à l'ijma'at. Aucune importance à l'ijma'at, certains. Mais certains, ils les piétinent, l'ijma'at ahl-ilm. Wal-iyadu billah. Qala Ibn Hazm. واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطأها ولا يطأها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها مراتب الإجماع صفحة 45 صفحة 45 ابن حزم l'a dit, les ulama sont unanimes. Ici, c'est l'ijma'a, c'est un livre où il rassemble l'ijma'at. Les ulémas sont unanimes que la femme qui a ses menstrues ne prie pas, ne jeûne pas pendant ses menstrues, que son mari n'a pas de rapport avec elle. Et ils sont unanimes qu'il a le droit de manger avec elle et de boire avec elle. On va le voir, on va le détailler ce point-là, contrairement aux juifs. On reprend le point qu'on a dit, qu'on est en train de développer. Wayujibu, les menstrues rendent obligatoire ou impliquent trois choses. Al-Ghusl, le premier, lorsque la femme a les menstrues et qu'elles prennent fin, pardon, une fois que les menstrues prennent fin, elle doit faire Al-Ghusl. Elle doit faire Al-Ghusl. On l'a cité de manière résumée lors des durus de Ghusl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toujours à Fatima bint Abi Hubaysh, on le citera, le hadith, c'est un hadith très important, une des bases de ce chapitre-là, il lui a dit, da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha, thumma ightasili wa salli. Wal hadith muttafaqun alayh. Bukhari wa Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima, bint Abi Hubaysh, il lui a dit, laisse la salat, le temps des jours pendant lesquels tu avais tes menstrues. Parce que cette femme, elle avait l'hémétroragie, l'istihada, elle avait le sang qui coulait constamment. D'accord? Il lui a dit donc, on va le détailler cette question-là. Délaisse la salat, le temps où tu avais tes menstrues, et ensuite, c'est-à-dire à la fin de ce temps-là, fais le ghusl et prie. Fais le ghusl et prie. Donc c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amr yadullu ala al-wujub. Comme quoi, la femme doit faire le ghusl une fois que c'est le haïd sont finis. Le deuxième point qu'implique les règles, il dit Ibn Qudama, wa yujibu al-ghusl wal bulugh, la puberté. Alors, une fois que la femme a ses menstrues, elle est pubère. Elle est pubère. Ça veut dire quoi? C'est le deuxième point, la puberté. Elle est pubère. Ça implique qu'elle est mukallafa. Elle est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est responsable devant la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, par exemple, en cas de meurtre, en cas d'apostasie, en cas de je ne sais quoi, de péché, de peine prescrite, les règles liées au teklif, à la responsabilité. Et la preuve de cela, C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar » Rahu Abu Daoud, misnad sahih. Abu Daoud y rapporte avec un isnad sahih en quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accepte pas la salate d'une femme qui a ses menstrues, c'est-à-dire d'une femme, bien sûr, la femme qui a ses menstrues ne prie pas, d'une femme qui est pubère, il a exprimé le fait de la puberté par le fait d'avoir ses menstrues dans ce hadith, jusqu'à ce qu'elle mette un khimar. C'est-à-dire une condition de la salate pour la femme, c'est de se couvrir d'un khimar, c'est-à-dire quelque chose qui couvre la tête, les épaules, le sabr et la poitrine. Le troisième cas, c'est ce qu'on a cité précédemment, وَلِعْتِدَادُ بِهِ. Troisième cas, ça rend obligatoire, le fait qu'elle calcule son délai de viduité en fonction des menstrues ici, et puis en fonction des mois, ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, une fois qu'elle a ses menstrues, si elle est divorcée, elle doit respecter le délai de viduité de ثَلَاثَةُ قُرُوْ 3 menstrues. 3 menstrues. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Baqarah, le verset 228, وَالْمُتَلَقَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes qui sont divorcées doivent rester 3 menstrues avant de se remarier. Je tiens à préciser que j'ai fait une petite erreur au niveau de la numérotation, mais ça change pas en fait, ça change pas grand chose. J'ai dit que l'imam Ibn Qudama rahimahullah avait dit que les menstrues empêchent ou interdisent 10 choses. Et ensuite j'ai cité 9 choses. Pourquoi ? Parce que dans le premier point, c'est-à-dire le fait de, que ça interdit de faire la salat, en fait il y a 2 points, il a cité 2 points. Le fait de, ça interdit le fait de faire la salat, ça c'est le 1. Et le deuxième point, c'est l'obligation de la salat. Ça veut dire que la personne, il lui est, la femme qui a ses menstrues est interdite de prier. Et ensuite, ça décale. Le troisième, c'est le deuxième, etc., etc. Mais à la fin, il y a 10 points. Excusez-moi pour cette erreur. Je continue. Il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ أُبِيحَ فِعْلُ الصَّوْمِ قَالَ الْبَهَا فِي الْعُدَّةِ لِلْحَائِدِ كَمَا يُبَاحُ لِلْجُنُوبَ. Si jamais le sang de la femme qui a ses menstrues s'arrête, il lui est permis de jeûner. Elle commence le jeûne de Ramadan. Tout comme on l'a vu, et on le verra, Inch'Allah, que la personne qui se lève le matin en état de janaba, pendant Ramadan par exemple, il a le droit de jeûner. Il commence à jeûner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève un peu après que l'heure du fajr soit rentrée. Il n'a plus le droit de manger, mais il est en état d'impureté majeure. Il commence à jeûner et bien sûr il fait le ghusl pour faire salat al-fajr. La femme qui a les menstrues, c'est exactement pareil. Si le sang s'arrête, elle a le droit de jeûner. Par contre, le deuxième point qu'elle a le droit de faire, même si elle n'a pas fait le ghusl, c'est dans le cas où le sang s'arrête, mais elle n'a pas encore fait le ghusl. Il lui est permis deux choses, dit Ibn Qudama. Ubiha fi'l sawm wa yubah at-talaq. Et de même, le divorce est permis. C'est-à-dire, dès que le sang s'arrête, son mari a le droit de la divorcer. Il n'a pas à attendre qu'elle ait fait le ghusl. C'est ce qu'il dit Ibn Qudama, rahimahullah, comme il dit dans le commentateur, dans l'Udda, « إِذَا انْقَطَعَ الدَّمْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا حُرِّمَ طَلَاقُ الْحَائِضَ وَهَذِهِ طَاهِرٌ » Car il a été interdit de divorcer la femme qui a ses menstrues, or celle-là est pure. Allez, pure. Et ensuite, il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, wa la yubahu sa'iruha hatta taghtasil. Quant à tout le reste, tout ce qu'on a cité précédemment, ce n'est pas permis, si le sang s'arrête, jusqu'à ce qu'elle fasse al-ghusl. Il faut qu'elle fasse al-ghusl. C'est-à-dire, qu'il ne lui est pas permis de faire la salat, il n'est pas permis de faire le tawaf, il n'est pas permis de lire le Coran, on a dit qu'il était permis, pardon, de lire le Coran. Il n'est pas permis de toucher le mushaf. Et il n'est pas permis non plus d'avoir des rapports sexuels avec elle jusqu'à ce qu'elle ait fait le ghusl, comme il le dit le commentateur. بهاء الدين المقدسي الشارح. نعم. Et dans ce cas précis, il y a un ijma', toujours rapporté par Ibn Hazm dans son livre, il rassemble l'ijma', dans Maratib al-ijma', à la page 46, il dit « وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْحَائِضَ إِذَا رَأَتَ الطُّهْرَ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَرْجَهَا وَتَتَوَضَّ فَوَطْوُهَا حَرَامٌ » Et les ulémas sont unanimes, il y a ijma', comme quoi la femme qui a ses menstrues, même si elle se purifie, tant qu'elle ne s'est pas lavé ses parties et qu'elle a fait le wudu, il n'est pas permis d'avoir le rapport avec elle. C'est dans Maratib al-Ijma' à la page 46. Ensuite, il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, wa yajuzu al-istimta'u min al-ha'idh bima dun al-farj. Et il est permis littéralement d'avoir des rapports, on peut dire, avec la femme qui a ses menstrues, tant qu'il n'y a pas pénétration, d'ailleurs, littéralement, dans le sexe. Le commentateur, il dit qu'al qublati wa nahwiha, comme embrasser, ou autre que cela. C'est-à-dire tout, sauf la pénétration. L'imarouya an Aisha, anna Aisha radiallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'muruni fa'taziru, fa'yubashiruni wa ana ha'id, muttafaqun alayh. Ce qu'il a rapporté de Aisha, comme quoi elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de mettre un izar. Et ensuite, nous avions des rapports alors que j'étais en état de menstrue. Ce hadith, il a rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et demain, à cause du hadith de Muslim qu'on a cité précédemment, isma'u kulla shay illa nikah. Isma'u kulla shay illa nikah, rawahu Muslim. Il a rapporté par Muslim, numéro 302. Le hadith en tant que tel, ce hadith on le cite entièrement. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. أنس rapporte رضي الله عنه que les juifs lorsque la femme avait ses menstrues ils ne mangeaient même pas avec elle, ils ne mangeaient même pas avec elle, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit faites tout avec elle sauf un nikah, sauf la pénétration. Et le deuxième hadith de Aïcha, il implique, comme l'ont dit les ulama, yukhadhu min al-hadith. Le hadith de Aïcha, comme quoi elle mettait un izar et qu'il avait des rapports avec elle, il implique plusieurs choses. Première chose, أن الحائضة طاهر بدنها وعرقها وثيابها فتجوز مباشرتها وملامستها وقيامها بشؤون منزلها من إعداد الطعام والشراب ونحو ذلك. Donc la femme qui a ses menstrues est pure, son corps est pur, sa sueur est pure, ses vêtements sont purs, il est permis de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, de la toucher. Il est permis pour elle de s'occuper des choses de la maison, comme préparer la nourriture ou quoi que ce soit. Le deuxième point, fihi wujub mukhalafat al-yahud alladhina lam yu'akilu al-mar'at al-ha'id wa ya'tazilunha. Il faut s'opposer et faire le contraire des juifs, hein, le contraire des juifs. C'est une base dans la sharia, mukhalafat al-kuffar, le fait de s'opposer à ce que font les mécréants, comme quoi les juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne mangeaient pas avec la femme qui a ses menstrues, et ils la mettaient, même certains, ils la mettaient en quarantaine. En quarantaine dans un endroit précis dans la maison, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. ثالثاً, إنه يحل من المرأة الحائض كل شيء إلا الجماع. فيجوز لزوجها يأمرها فتلبس إزاراً أو سروالاً قصيراً أو طويلاً. ثم يباشرها بأي مكان من بدنها ما دام ذلك في غير مكان الحيض وهو الفرج. نعم, il est permis, donc il est permis d'avoir des rapports sauf la pénétration avec la femme qui a ses menstrues, comme c'est venu dans ce hadith. Et là, comme il est dit dans le commentaire de Bulugh al-Maram, ça je cite de Tawdih al-Ahkam, Sharh Bulugh al-Maram, volume 1, la page 327 et après. Comme quoi, alhamdoulilah, l'islam, il est dans le juste milieu par rapport même à la femme qui a ses menstrues. De quelle manière? Les juifs, il voit que la femme qui a ses menstrues est impure. Et comme on a dit, certains, ils la mettent même en quarantaine. Les juifs et les chrétiens, c'est les deux extrêmes, eux, ils ont même des rapports pendant les menstrues. Rapports sexuels pendant les menstrues, ça ne les dérange pas. Et les musulmans, alhamdoulilah, ou al-wasat bayn al-ghulou al-jafa, juste au milieu entre l'extrémisme des juifs et la négligence de an-nasara, des chrétiens. Comme dans beaucoup de choses. Comme dans les nourritures, comme dans beaucoup de pratiques. Voilà. Il continue Ibn Qudama en disant, rahimahullah ta'ala, wa aqallul haydi yawm wa layla. Le temps minimum des menstrues est d'un jour et d'une nuit. D'accord? Les ulama, ils citent de manière générale, de manière, comment ça s'appelle, comment on peut dire? Ils citent et font attention à citer le temps minimum et maximum des menstrues. Pour savoir si ça dépasse ce temps, ce n'est plus des menstrues, c'est une maladie, c'est la métrorragie. D'accord? Donc ils disent le minimum des menstrues, et dit ici Ibn Qudama, c'est le madhhab, le minimum des menstrues, c'est un jour et une nuit. Ça, c'est le minimum. وَأَكْتَرُهُ خَمْسْتَ عَشْرَ يَوْمًا. Et le maximum des menstrues, c'est 15 jours. Tout ça, ça revient à l'urf. C'est-à-dire, ils ont regardé les relèvements des salafs. Qu'est-ce qu'il y avait, les pratiques des gens, ils ont regardé les femmes autour d'eux, etc. Ils en sont arrivés à ces conclusions. Mais il n'y a pas de texte dans la charia. Le temps maximum des menstrues, on a dit, c'est 15 jours. وَأَقَلْ لِلطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْدَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَتَّى لِأَكْثَرِهِ. Le minimum de purification entre deux menstrues, c'est 13 jours. Et il n'y a pas de maximum. Ensuite, il dit, وَأَقَلُّ سِنِّنْ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعَةُ سِنِينَ. Les Hanabila, ils disent, et l'âge minimum pour les menstrues est 9 ans. Ça, c'est ce qu'il dit Ibn Qudama, le commentateur de l'Umda, il dit, فَإِذَا رَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ دَمًا فليس بحيض ولا تتعلق به أحكامه لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. C'est-à-dire que avant 9 ans, si elle voit du sang, ça n'est pas les menstrues encore. C'est quoi? C'est d'emphasette, c'est la métrorragie, c'est qu'elle a un problème ou une plaie ou enfin quelque chose qui de médical, d'accord? Mais ça n'est pas les menstrues. Ça commence à 9 ans. Et il dit, le commentateur, comme quoi il n'y a pas de fille qui a eu les menstrues avant cet âge-là. Et il rapporte la parole de Aïcha, comme quoi elle a dit, lorsque là, jeune fille atteint 9 ans, ça devient une femme. En réalité, cet avis de Aïcha, il rapporte pas qui l'a rapporté. L'essentiel, c'est que, on l'a dit, la puberté pour une femme, c'est les menstrues. Et à partir du moment où elle est pubère, la puberté est établie par les ulama, ou chez les ulama, comme c'est cité dans les livres, selon trois choses. D'accord? Il y a les menstrues, mais il y a autre chose. La puberté, c'est trois choses. Soit les menstrues, soit le fait que des poils drus poussent au niveau du pubis, c'est un des signes de la puberté. Et la troisième chose, si jamais ces deux choses ne sont pas arrivées, c'est atteindre 14 ans. Comme c'est cité dans le Mourni, dans le chapitre du Jihad. واكثره 60 سنه. Et le maximum, l'âge maximum pour les menstrues, c'est 60 ans. C'est ce qu'il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Ça fait, c'est loin de faire unanimité, même à l'intérieur du madhhab. Non? Parce qu'il est rapporté de l'imam Ahmed qu'il a dit 50 ans. Il est rapporté de l'imam Ahmed qu'il a dit 50 ans. C'est rapporté de Aïcha radiallahu anha qui a dit إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. Lorsque la, Aïcha l'a dit, lorsque la femme atteint 50 ans, elle est sortie de la limite de l'âge à laquelle on a des menstrues. Et un tafsil, comme il est rapporté de certains ulama, que l'imam Ahmed rahimahullah il disait وعن الإمام أحمد أن نساء العجم يئسن في 50 سنة ونساء العرب إلى 60 لأنها أقوى جبلّة. Donc quoi, les femmes des non-arabes, leur menstrue s'arrête à 50 ans. Quant aux femmes des arabes, elles peuvent s'arrêter jusqu'à 60 ans. Essentiel. La ménopause, je ne sais pas exactement. Entre 50 et 60 ans. Voilà, tous ces points-là, c'est... Ensuite, il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, « وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمْ لِوَقْتٍ تَحِيدُ لِمِثْلِهِ جَلَسَتْ قَالَ الشَّارِحْ يَعْنِي تَرَكَتِ الصَّلَاةِ » C'est des détails un peu. On détaille un peu comment ça s'appelle, les règles des menstrues, c'est un peu difficile. Encore une fois, je l'ai dit, surtout pour une assemblée d'hommes. Ça parle plus aux femmes, ce genre de questions-là. Donc, la question qui cite ici, Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, la femme qui a ses menstrues pour la première fois, elle n'a jamais eu ses menstrues, si elle voit du sang, à un moment où les femmes du même âge ont les menstrues, elle arrête la salat directement dès qu'elle voit du sang. Ça veut dire que c'est des menstrues. Vous comprenez? Il n'y a pas de confusion à avoir. Hein, si elle a plus de 9 ans, hein, ou un âge, les femmes autour d'elle, par exemple, en général, elles ont leurs règles là, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je ne sais pas, avant, après, d'accord? Elle voit qu'elle a du sang à peu près à cette période-là, elle arrête la salat. C'est-à-dire qu'elle est en état de monstre. Ensuite, il dit فَإِنْ قَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ. Mais si cela s'interrompt en moins d'un jour et une nuit, alors que le monstre ne dure pas un jour et une nuit, ce n'est pas les monstres. D'accord? Ce n'est pas. Monstrueux. Voyakoun ou dame ou façade. C'est juste du sang qui coule à cause d'un problème médical. Si jamais ce sang continue, ce qu'on a dit, pardon, وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيدُ فِي مِثْلِهِ جَلَسَتْ فَإِنْ قَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. أي إذا رأت المبتدأة الدم لوقت تحيض في مثل جلسات تركت الصلاة فإذا جاوز يوم وليلة ولم يعبر أكثر من 15 يوما فهو حيض فإذا استمر الدم يوم أو يومين أو ثلاثة إلى 15 Qu'est-ce que ça veut dire? On explique la parole de Qudama, qui est venu dans certains commentaires. On dit quoi? Si la femme qui voit du sang pour la première fois, elle voit du sang pour la première fois, à un temps dans lequel, en général, les femmes ont les menstrues, elle arrête la salat. Si ça dépasse un jour et une nuit, mais que ça ne va pas plus que 15 jours, ce sont des menstrues. En cause, c'est par rapport à quoi? Ce qu'on a dit, le temps minimum des menstrues, le temps maximum des menstrues. فَإِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنُ ثَلَاثَ إِلَى 15 وَانْقَطَعَ فهذا يعتبر حيوان. Si le, ce sang-là, il dure un jour, deux jours, trois jours, jusqu'à 15 jours, et qu'il s'arrête, c'est des menstrues. Si ça dépasse 15 jours, c'est quoi? Métrorragie, c'est une maladie. Et il y a des règles différentes. Ensuite, il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنَى وَاحِدْ صَارَ عَادًا. Si jamais ça, ça se renouvelle, ce cycle-là qu'elle a pris, là, le premier cycle, pendant 3 mois, ça devient une habitude. D'accord? Cette habitude, elle la garde. Elle la garde pourquoi? Pour la question de l'istihada. Pour savoir si elle n'est pas en état de métrorragie ou pas. وَإِنْ عَبَرَ ذَلِكَ فَالزَّائِدُ اسْتِحَادًا. Si ça dépasse 15 jours, c'est quoi? Il dit Ibn Qudam, c'est istihada. L'istihada, c'est la question dont on va parler. Ensuite, c'est la femme qui a les métrorragies. L'istihada, وَسَيْلَانُ الدَّمْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ عَلَى سَبِيلِ النَّزِيفِ مِنْ عِرْقٍ يُسَمَّ الْعَاذِلِ. L'istihada, c'est quoi? C'est le fait que le sang continue à couler en dehors du temps des menstrues à cause d'une veine qui s'est coupée. Et cette veine, elle porte un nom, les ulama lui ont donné un nom, c'est Al-Aadil. Al-Aadil. C'est très important de savoir ça, de savoir la différence entre Al-Hayd et l'Istihada. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles. Et c'est pour ça qu'on a parlé de l'Muqtada à celle qui a les comment ça s'appelle? Celle qui a les menstrues pour la première fois. On va parler aussi de celle qui a les, comment ça s'appelle? Qui a les, qui a une ada, qui a une habitude. Hein, c'est si, elle a toujours une habitude qui dure plus de 3 mois. Et elle a, celle qui n'a, la pauvre qui n'a ni, qui n'a pas d'habitude. Hein, celle-là, elle a deux possibilités. On va le voir, inshallah. D'abord, elle istihada, les règles de l'istihada. Comme il est expliqué dans Al-Udda Sharh Al-Umda, والمستحاضه في حكم الطاهرات في وجوب العباده وفعلها فاذا ارادت الصلاه غسلت فرجها وما اصابها من الدم حتى اذا استنقت عصبت فرجها واستوثقت بالشد والتلجم وهو أن تستثفر بخرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج وهو قوله عليه السلام في حديث أم سلمة لتستثفر بثوب رواه أبو داود. Qu'est-ce qu'elle fait la femme qui a l'istihada? La femme qui a comment s'appelle, qui a le sang ne s'arrête pas ou qui dure plus de 15 jours. Ça, c'est menstrué, c'est plus des menstrues, mais elle dure plus de 15 jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle doit prier. C'est plus le même jugement. Ce sang-là, c'est pas un sang impur, c'est plus le sang des règles. Le sang, c'est impur, mais c'est plus le sang des règles. C'est plus le sang qui interdit la salat. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Comme c'est venu dans les hadiths, on va les citer, inshallah. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, se laver les parties. Laver le sang et se mettre ce qu'on appellerait à notre époque une serviette, c'est-à-dire quelque chose qui la protège du fait que le sang ne coule pas pendant la salat. D'accord? Elle se lave les parties et ça, elle doit le faire à chaque salat. Elle attend que l'heure rentre, l'heure de la salat, elle attend que l'heure rentre, elle se lave les parties, elle met par exemple un mouchoir, une serviette, que sais-je. Elle fait le wudu, et ensuite elle fait sa salat normalement. Même si le sang continue à couler, ça n'annule pas le wudu. Et on va voir que c'est le même jugement pour celui qui a salas al-bawl, qui a une incontinence urinaire. On verra juste après. Tout ça, c'est basé sur des hadiths, sur une femme, à qui c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jugement de l'istihada, il est applicable, comme il dit Ibn Qudama, juste après la question, je te rappelle, c'est quoi? Il dit, dans Ibn Telfiq, wa man bihi salas al-bawl fi ma'na al-istihada. Et celui qui a une incontinence urinaire, salas al-bawl, est comme la femme qui a les métrorragies. Ça signifie quoi? Comme il dit dans le Mourni, c'est que la femme qui a les métrorragies et l'homme qui a une incontinence urinaire, qu'est-ce qu'ils font? Il dit, rahimahullah, والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضا لكل الصلاة بعد أن يغسل فرجه. Il dit Ibn Qudama rahimahullah dans le Mughni, le volume 1, la page 438, il dit, la personne qui est éprouvée, qu'Allah nous en préserve, de l'incontinence urinaire, ou qui a beaucoup, beaucoup de mazi, qui ne s'arrête pas, est comme al-mustahab, comme un projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le wudu pour chaque salat. Il fait le wudu pour chaque salat, après avoir lavé ses parties. Exactement comme la mustahab, celle qui a les métrorragies. Elle attend, comme on va le voir, l'entrée de l'heure de la salat. Elle attend l'entrée de l'heure de la salat, la femme qui a le métrorragie. Elle lave ses parties. Elle fait le wudu. Et ensuite, elle prie. Et elle ne se préoccupe pas de ce qui sort. Tout comme celui qui a une incontinence urinaire ne se préoccupe pas de ce qui sort de lui, comme urine, comme mazi, etc., etc. Et il dit juste après, la page juste après, ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء. Et il est une obligation pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire la femme qui a les métrorragies et celui qui a sa seul bol, de faire le wudu à chaque salat. À chaque salat. Et l'avis le plus juste, comme l'ont rapporté les ulama, c'est que même s'il sort quelque chose après, il n'y fait pas attention. Il fait la salat. Il attend l'heure de l'entrée de la salat et il fait le wudu. Fait le wudu à chaque salat. Et même s'il sort quelque chose, il ne perd pas le wudu. Il fait les prières surrogatoires, obligatoires, la lecture du Coran, etc., etc. Et le fait de faire le wudu à chaque salat, c'est rapporté par Al-Bukhari. C'est rapporté par Al-Bukhari dans ce cas-là. Comme il est dit donc dans le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh, قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة. Fatima bint Abi Hubaysh, elle avait ça, elle avait l'istihada, elle est venue au messager d'Allah, elle a dit au messager d'Allah, j'ai les métrorragies et je ne me purifie, je ne suis jamais pur en fait, j'ai toujours le sang qui coule. Est-ce que je délaisse la salah? فقال لا إن ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فضع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Ça sera apporté par Al-Bukhari Muslim. Et il lui a dit, non, ceci est une veine, ce n'est pas les menstrues. Si les menstrues prennent fin, si les menstrues, pardon, ont lieu, délaisse la salah. C'est-à-dire, au sein de ce sang-là, il y a les menstrues quand même. Le cycle menstruel, il continue. On va voir comment elles font la différence. Lorsque les menstrues rentrent, délaissent la salat. Si les menstrues finissent, lave ce sang et prie. Et dans une autre version, il lui a ordonné de faire le wudu à chaque salat. Wa tawadda'i li kulli salat. C'est dans une version rapportée par Al-Bukhari, le numéro 228. Cette version, elle est dans Bulugh al-Maram. Elle est aussi rapportée par Abu Daoud et d'autres. Comment? On va finir sur ce point-là pour pas trop insister sur cette question-là. Comment la femme fait la différence entre le sang des menstrues et l'istihara, le sang de la métrorragie? C'est extrêmement important parce qu'on a vu à Danin, elle doit laisser la salade qui est les menstrues, et pendant les métrorragies, elle doit continuer à faire la salat. Il y a trois manières. Comme il a dit Ibn Taymiyyah et d'autres. Al-Ada. Huya aqwa al-alamat. Lian al-asl. Baqa al-hayd. Duna ghayri. La première, c'est l'habitude. Elle a l'habitude que de tel jour à tel jour, elle a ses menstrues. Mais pendant cette période-là, elle délaisse la salat. Premier, l'habitude. De tel jour à tel jour du mois, en général, elle a ses menstrues. Qu'est-ce qu'elle fait pendant cette période? Elle applique sur elle les règles de la femme qui a ses menstrues. Pas de salat, pas de lecture du Coran, pas de toucher le Coran, etc., etc. Le deuxième manière de différencier est التمييز فإن دم الحيض أسود ثخين ودم الاستحاب أحمر صاف. Deuxième, le fait de différencier, car le sang des menstrues, c'est un sang particulier qui est de couleur noirâtre et épais et même malodorant. Quant au sang de la métrorragie, c'est le sang normal, le sang qui sort des plaies, puisque ça vient d'une plaie. Donc il est rouge, littéralement sans morceaux, quoi, sans. Hein? Le troisième cas, الثالثة. اعتبار عادة غالب النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب. Si elle n'a pas les deux premiers, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'habitude et qu'elle n'arrive pas à différencier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que font la majorité des femmes dans son endroit. Elle regarde les femmes autour d'elle, elle regarde les femmes autour d'elle qui ont leur menstrue à peu près de telle période à telle période et elle prend la même habitude qu'elle. D'accord? Ces trois moyens, inshallah, alhamdulillah, shari'at Allah kamila, wa sahla, muyassara, la shari'at d'Allah azza wa jalla est simple, même dans ces cas qui sont difficiles, il a donné la solution. On a dit cette parole-là, elle est rapportée d'Ibn Taymiyyah, et c'est le madhhab de l'imam Ahmad, et ce que je viens de citer, c'est dans Tawdih al-Ahkam, Sharh Bulugh al-Maram, al-Mujallad al-Awwal, Safhat 24 wa 300. C'est dans l'explication de Bulugh al-Maram, Tawdih al-Ahkam, le volume 1, la page 324. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.